Vous écoutez Une fille, un podcast, et c'est l'épisode 9. Bonne écoute. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais c'est pas vrai, elle a encore changé quelque chose. Eh bien oui, aujourd'hui j'ai changé la musique que je plaçais sur mon jingle d'introduction, et je vous expliquerai pourquoi à la fin. Voilà. Et puis on s'ennuierait si c'était tout le temps la même chose. Alors je voudrais revenir tout de suite, avant de commencer et attaquer dans le vif du sujet, sur une remarque que quelqu'un m'a faite, c'est Papeleu, qui m'a dit qu'en fait, quand il m'écoutait, il avait l'impression d'avoir une amie au téléphone. Alors merci à lui, c'est très gentil, et je le préviens tout de suite, quand j'ai un forfait illimité, donc j'espère qu'il a les nerfs bien accrochés, parce que ça risque de prendre un certain temps, une fois qu'on m'a au téléphone, ça peut être long, quoi. Faut pas hésiter à raccrocher hein, quand je saoule. Non, mais plus sérieusement, il me dit aussi et qu'il aime bien parce qu'il apprend toujours quelque chose ou qu'il découvre quelque chose quand il tombe sur mon podcast. Et c'est pour ça que je voulais faire un retour sur sa remarque, c'est parce qu'en fait, j'ai pas l'impression de faire découvrir quoi que ce soit à qui que ce soit, ni d'apprendre non plus quoi que ce soit à qui que ce soit, quelle drôle d'idée. J'ai pas cette prétention-là, mais, ben, peut-être, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est tout l'inverse, en fait. À chaque fois que je viens ici, devant mon micro, enregistrer un quart d'heure, 20 minutes, parler toute seule, c'est un super exercice, en fait, sur soi-même, et une fois qu'on le poste et qu'on a le retour de celui qui a écouté ou de celle qui a écouté, ça vous met quand même bien face à vos défauts et ça vous apprend plein de choses. Donc voilà pourquoi moi, quand on me dit que j'apprends quelque chose à quelqu'un, j'ai du mal à le concevoir parce que j'ai vraiment la sensation que c'est tout l'inverse. Alors merci, Papeleu, et ben bonne écoute. Voilà. Alors avant de parler du podcast que j'ai choisi aujourd'hui, qui est Podcast Science, je me suis posé la question de la légitimité de le faire. En fait, je me pose la question de la légitimité à chaque fois. À chaque fois que je vais choisir de parler de tel ou tel podcast, je me pose la question, mais de quel droit, toi, tu vas te permettre de donner ton avis sur quelque chose? Tu vas te permettre de critiquer quelque chose? Bon, bien que je critique pas grand-chose quand même, parce que je préfère toujours partir du principe qu'on n'a pas assez de temps dans la vie pour s'attarder sur ce qui va pas. Autant se concentrer sur ce qui est positif et ce qu'on aime. Donc c'est pour ça que je ne viens pas ici dégueuler sur des podcasts qui sont pas bons. Et puis de toute manière, je ne serai absolument pas crédible parce que je suis totalement incapable de classer le niveau du mien. Donc je ferme ma gueule et je pense que c'est une bonne chose, ça, par contre. Et pourquoi je disais ça? Ben, tout simplement parce que vraiment, je me pose la question, est-ce que je suis crédible quand moi, je décide de venir parler de podcast science? Et pour être honnête, en fait, j'ai hésité. Je me suis dit, prends un truc plus simple, ou un truc qui est pas beaucoup écouté, comme ça, t'es tranquille, personne va connaître. Je me mouille pas, je me défile, hein. Je me défile très souvent d'ailleurs, hein, vous le saurez. Je me défile le vendredi, et ensuite je me regonfle le samedi, je me redéfile le dimanche, et comme ça, ainsi de suite, jusqu'à ce que je prenne la décision voilà, après je ne peux plus reculer. Donc en fait, quand j'ai commencé mon podcast, je me suis fixé 3 règles. Ouais, ça c'est mon côté psychorigide. Je suis toute seule, mais je me fixe des règles, quoi. Bon, la première, c'était d'être honnête. Alors ça va, c'est dans mes cordes, vu que de toute manière, je sais pas mentir, et puis j'ai pas le temps pour ce genre de truc. La deuxième, c'était de rien changer à ma façon d'écouter les podcasts. Je suis pas abonnée à un espèce de truc qui va vous mettre tout ce que vous avez en retard et qui s'enchaîne. Non, moi je les écoute pas comme ça, en fait. Voilà, c'est le matin, et je me dis, tiens, avec qui j'ai envie de passer la journée, et je choisis un podcast et je l'écoute. Donc je peux en écouter 2-3 épisodes du même à la suite, ou alors le matin j'ai envie de telle ambiance, donc je choisis tel truc, et l'après-midi un autre. Je suis toujours en retard, ou alors je rattrape tout d'un coup, donc il y a des choses que je vais pas écouter pendant un mois, et puis d'un coup je vais aller écouter les 4 qui me restent à écouter. Enfin bon, voilà, donc je n'ai aucun ordre pour ça, et je voulais surtout pas changer ça ou me forcer à écouter les choses que j'avais pas envie d'écouter, quoi. Donc ça, j'arrive à peu près à m'y tenir. Et puis la troisième règle, c'était vraiment de ne rien mettre de perso dedans. Donc ça, c'est mort, hein, j'y arrive pas du tout. Je me suis rendu compte que de toute manière, on peut pas donner son avis en étant une personne qu'on ne connaît pas. Donc j'essaye d'en mettre le moins possible, mais là, d'ailleurs, revient toute la question de la crédibilité, quoi. Donc si je respecte ce que je voulais comme ligne de conduite, eh ben, la semaine dernière, j'ai écouté les podcasts Science depuis l'épisode 200. Puisque j'avais un petit peu de retard, jusqu'à celui de mardi dernier. C'est une émission qui est proposée par plusieurs personnes. Ils choisissent un thème, ce qu'ils appellent un dossier, et ils nous l'expliquent en vulgarisant au maximum pour que quelqu'un de lambda puisse comprendre le sujet, quel que soit son niveau. Et donc pour ça, eh ben, je pense qu'il faut que je vous explique un petit peu mon niveau. D'où ma réflexion sur le côté... où je suis forcément obligée de mettre un petit peu de choses perso pour que vous compreniez de quoi je parle et pourquoi je pense ça. Je vous explique. Pendant toute ma scolarité, mon cœur a toujours balancé entre le dessin et les maths, la physique. Bon, on va dire que c'est les trois matières où j'étais assidue. Ouais, ça dépend des années. Mais bon, en tout cas, voilà, c'était mes trois matières préférées. Donc, quand j'ai dû choisir une orientation, j'ai commencé en choisissant le côté artistique. Donc, je me suis lancée dans 3 ans d'études qui, comment expliquer ça vite fait pour qu'on comprenne bien, qui correspond grosso modo à une espèce d'école de styliste, modéliste et création. Enfin voilà, les choses comme ça. Donc, autant dire que les maths et tout ce qui s'y rapportait étaient quasiment laissés à l'abandon. Quand j'ai eu fini ce diplôme, il y avait comme un espèce de manque, en fait. Comment expliquer ça? C'est comme si on apprenait quelque chose, mais qu'on n'avait pas fait le tour. Moi, je trouve qu'on manque toujours un petit peu, quoi. J'ai toujours envie d'aller voir derrière ce qui se passe et de savoir le pourquoi du comment de tout. Et du coup, là, j'avais pas toutes les réponses à mes questions. Donc j'ai continué dans la même branche, avec toujours cette option textile, mais je suis allée du côté industriel, où on pouvait avoir une observation bien plus technique du sujet. Donc bah, peut-être ça peut paraître curieux pour certains, en tout cas moi j'avais choisi la productique et la modélisation en même temps. Ouais, donc des études dans ce domaine-là, bah forcément ça demande des sacrés... remise à niveau pour pas mal de choses. Et j'ai dû donc rattraper le programme, si je dis pas de conneries, le programme de S de maths et le programme de physique. Voilà. Donc la première année de mes études en productique, j'avais des maths matin, midi, soir. Donc est-ce que j'ai le niveau du bac? Est-ce que j'ai le bac? J'en sais rien du tout. Et je m'en fous. Tout ce que je peux dire, c'est que moi, j'aime écouter Podcast Science. Mais qu'il fallait que je vous explique quand même un petit peu plus ce que j'avais fait avant pour que vous compreniez pourquoi c'est des sujets qui m'intéressent en fait. Oh, d'ailleurs, ça me fait penser que je vais sortir un petit peu du sujet 2 secondes. Oh, pourtant, c'est vraiment pas mon habitude, hein. Ouais, je vais me perdre juste 30 secondes. C'est dans ce bahut-là, en fait, que j'ai rencontré pour la première fois un prof sexiste, mais un vrai, quoi. Hein. J'avais des cours d'automatisme et il est arrivé le premier jour avec un gros paquet de feuilles. Il nous en a distribué une liasse chacun et nous a dit, voilà, ça, c'est le programme et vous le lisez. De toute manière, je vais pas m'emmerder à vous l'expliquer. Vous êtes des filles, vous comprendrez rien. Et là, vous vous dites que l'année, elle est bien mal barrée, hein. C'est un peu dommage, quoi. Moi, j'avais l'impression que ça pouvait être intéressant, là, toutes ces histoires de 0 et de 1. Mais bon, apparemment, on n'y avait pas droit, quoi. Donc, je me suis débrouillée autrement. En plus, j'ai une sale tendance au boycott. Donc, j'ai un peu boycotté ce cours. Mais bon, dans un bahut comme ça, faut pas s'inquiéter. On trouve toujours une bonne âme charitable qui veut bien nous faire les explications manquantes pour ce genre de sujet. Voilà. Et pourquoi je vous racontais ça? Je sais plus. Alors, dans Podcast Science, en fait, on retrouve plusieurs personnes. Vous avez Billy, Irène, Julie, Nicotube, David, Alan, Poyo, Pascal, Robin, et puis encore des autres, mais j'en oublie certains, peut-être. Et je m'excuse d'avance, je dis ceux dont je me souviens le plus comme ça. Et les sujets sont plutôt toujours bien choisis, bien trouvés. Je me souviens d'ailleurs d'une fois où... Oui, parce qu'en fait, j'ai des préférences hein, selon les thèmes. Même si je les écoute tous, il y en a toujours qui vous marquent plus que d'autres, c'est normal. Bon, j'avoue quand même que les dossiers d'Irène sont souvent mes préférés. Celui sur les hormones était pas mal. Ceux sur les hormones, je crois qu'il y en avait plusieurs, c'était pas mal. Celui sur le chaos aussi, j'ai bien aimé. Et il y en avait un qui m'avait particulièrement intéressé, c'était celui sur les OGM. Donc pour une fois, en fait, on pouvait écouter quelque chose où ça partait pas dans des polémiques pour, contre ou des choses comme ça, mais vraiment un peu plus en profondeur dans le sujet, et puis avec un esprit extrêmement critique et très objectif. Donc ça, c'est vraiment agréable à écouter, en fait. Oh, il y en avait un aussi que j'avais bien aimé il y a quelques épisodes. Je sais plus les numéros, mais bon, de toute manière, je suis certaine que tout se retrouve facilement sur leur site. C'était sur Interstellar, le film. Donc voilà, il nous expliquait vraiment si tout ce qui était décrit dans le film était plausible ou pas. Enfin bon, bref, etc. Je vais sûrement pas vous donner des détails là, j'en suis bien incapable. En tout cas, c'était super intéressant. Et puis, on retrouve également de temps en temps des freestyles avec des épisodes un petit peu plus légers. Alors, c'est rigolo parce qu'en fait, c'est des gens qui sont super agréables à écouter et on entend toujours... Moi, j'appelle ça des voix qui sourient, mais je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Quand vous les écoutez, en fait, vous entendez bien qu'ils ont plaisir à le faire et qu'ils sont vraiment passionnés. Donc, quand on entend quelqu'un qui est passionné et qui essaye de retransmettre ça, vous êtes obligé d'accrocher, quoi. C'est pas possible autrement. Et je me suis demandé d'ailleurs si c'était comme ça depuis le début. Donc, comme je vous avais dit dans un épisode précédent, j'aime encore bien tout ce qui est épisode 0 et un petit peu les débuts, quoi. Et on retrouvait Alan avec un de ses... Oh, je dirais bien que c'était quelqu'un qui s'appelait Mathieu, je crois, mais je suis plus certaine comme ça de tête. Et même si quelques années ont passé entre l'épisode 0 et l'épisode 200, eh ben on retrouve toujours le même plaisir qu'on entend dans la voix d'Alan, que c'est rigolo, hein. Voilà, on sent qu'ils ont plaisir à transmettre, alors on a envie d'écouter. Alors ouais, je sais, on pourrait dire que les maths, ça sert à rien, que tout ça, ça sert à rien, que ça changera rien à ma vie de savoir tout ça. Il y en a qui me le disent, hein, que je me pose trop de questions. Bah peut-être, mais moi, c'est pas du tout comme ça que je vois le truc, en fait. J'ai plutôt la sensation que ma vie, elle va être trop courte pour apprendre tout ce que j'ai encore envie d'apprendre, quoi. J'ai que 36 ans, je suis d'accord, mais bon, en théorie, normalement, il n'y a jamais de fin, hein. On est censé pouvoir apprendre tout le temps. Puis je pars de loin en plus, hein, donc j'en ai des choses à apprendre encore. Hein. Alors pour tous ceux qui pensent que ça sert à rien tout ça, moi je vais vous raconter une petite anecdote. Alors c'est très débile, mais c'est pas grave. Je la raconte quand même parce que déjà parce qu'elle est vraie et puis voilà. De toute manière, je suis plus à une honte près, alors c'est pas grave. Tous les matins, je dois sortir de chez moi pour nourrir et donner à boire à mes deux petites poulettes parce que j'ai des petites poules dans mon jardin. Et comme je suis dans un endroit où il fait assez froid, ce que j'aimais bien faire, en fait, c'était leur mettre dans leur récipient d'eau de l'eau chaude. Et j'avais mon mari qui me disait à chaque fois, ça ne sert à rien de mettre de l'eau chaude quand il gèle, puisque l'eau chaude gèle plus vite que l'eau froide. Alors, admettons. Mais pourquoi? Moi, je veux bien, je suis d'accord, admettons, mais explique-moi pourquoi. Et s'il y a une réponse que je déteste, c'est ben parce que c'est comme ça, tout le monde le sait. Ah. Donc, ce qui veut dire déjà, un, que je suis la seule à pas le savoir, et deux, en fait, t'as pas de détails, moi je veux tous les détails, je veux savoir le pourquoi du comment de la chose. Et dans l'épisode 122, je me le suis noté, hein. Je l'ai pas quand même mémorisé par cœur. Donc, je me suis noté que c'était dans l'épisode 122, on retrouvait. Un quiz, info ou intox, l'eau chaude gèle plus vite que l'eau froide. Ah, j'allais enfin avoir ma réponse pour lui clouer le bec. Et non, malheureusement. Ben j'avais tort, quoi. Hein. Il y avait... Et ouais. L'eau chaude gèle plus vite que l'eau froide. Et merde, je suis obligée de reconnaître que j'ai tort. Donc après, c'est pas si simple que ça, quoi. Il y a tout un tas de conditions à prendre en compte pour observer ce genre de phénomène. Et puis, une histoire avec l'effet Memba et les conditions à respecter, enfin bref. Donc même si je vais pas tenter l'expérience, voilà, j'ai bien été forcée de reconnaître que j'avais tort. Voilà, tout ça pour dire que ben un podcast science, ça sert pas à rien, ça sert aussi à prouver à madame que parfois monsieur a raison. Et voilà, je vous raconte ça, mais comme d'habitude, hein, de toute manière, vous savez, hein, je prends un sujet et je pars à chaque fois sur autre chose, bref. Donc on va s'arrêter là pour Podcast Science. Je suis très contente d'en avoir parlé en fait. Et puis je sais pas si j'en ai bien parlé. En tout cas, moi, j'ai plaisir à l'écouter. Donc j'ai plaisir à en parler et c'est tout. Voilà, je partage ce que j'aime, que je sois crédible ou pas. C'est pas grave. Donc si vous voulez me faire un retour sur ça, vous me retrouvez sur Twitter à @kikrine. Sinon, vous me retrouvez également dans les commentaires de PodCloud sur le petit article que je vais mettre. Alors d'habitude, je finis en vous mettant une petite musique, je décris vite fait ce que c'est. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. La semaine dernière, en fait, je me baladais sur Twitter et puis je suis tombée sur un profil qui m'a interpellée. Alors, je vous l'ai déjà dit, hein, mais moi, je suis quand même quelqu'un de très visuel, donc il faut que quelque chose m'accroche pour que je m'attarde dessus. Souvent, ben, y a pas que ça, mais en l'occurrence, là, c'était le cas. Là, ce coup-ci, ça représentait un petit carré noir avec au milieu une ligne horizontale sur laquelle on pouvait distinguer trois points de lumière, un petit, un moyen et un qui allait en finissant en mourant presque sur la ligne horizontale. Et je suis allée cliquer dessus pour voir bah, la photo en plus gros, tout simplement, hein. C'est vraiment de la curiosité comme j'ai souvent, quoi. C'est mon gros défaut. Bon, après, effectivement, sur la photo, on sait pas trop bien ce qu'on voit, mais c'était joli. Donc je reste à la regarder 2 secondes et puis je vois qu'en dessous, la personne a mis un lien pour aller sur SoundCloud. Je lui dis, tiens, qu'est-ce qu'il a à nous faire écouter? Donc, je vais voir. Et en fait, il avait pas mal de musique. C'est quelqu'un qui fait de la musique assistée par ordinateur, MAO, c'est ça. Il est autodidacte et c'est de la musique électro, qu'apparemment, il préfère classer dans un gros genre électro pour ne pas se fermer à aucun style. Vous voyez, j'ai bien retenu ma leçon. Et je me rends compte, là, que j'ai pas plus de légitimité à parler de podcastion qu'à parler de musique. C'est pas grave, je le fais quand même. Voilà. Je suis nulle, hein, en général pour vous raconter quoi que ce soit sur la musique parce que j'y connais pas grand-chose. Moi, je suis juste quelqu'un qui écoute et qui aime découvrir. Et quand j'écoute, soit j'accroche direct, soit j'aime pas. Moi, ouais, parfois j'écoute 2 fois parce que j'accorde le bénéfice du doute au truc, mais en général, non. C'est à la première écoute, quoi. Ça prend ou ça prend pas, quoi. J'ai juste envie de dire que moi, quand j'écoute de la musique, je l'écoute au casque, en général, ben toujours bien fort, pour que ça me coupe bien du monde. Si en plus, quand je ferme les yeux, ça me transporte vers quelque chose, ah, c'est parfait. Voilà. Mais je vous conseille d'aller le découvrir. Donc je vous mettrai les liens dans mon article. Sinon vous le retrouvez facilement, c'est @crazymt, donc c'est RAZYMT underscore. Et voilà. Et là du coup vous pourrez lui demander tous les détails techniques que vous voulez. Je laisse se charger de cette partie. Donc moi j'ai découvert une musique plutôt sympa, qui n'était pas libre de droit. En général, je prends toujours des choses libres de droit parce que c'est plus simple et en plus je vous fais découvrir sûrement quelque chose que vous connaissez pas. Et là je me suis dit, est-ce que je me paye le culot ou pas de lui demander? Et c'est ça que j'adore dans Twitter, c'est qu'en fait on peut avoir vraiment un contact direct avec la personne. Il a dit oui tout de suite, donc je confirme que ces musiques sont aussi sympas que lui. Merci. Donc le son que vous avez entendu au départ de mon épisode, c'est de lui aussi. Ça s'appelle The Dead Are Not Silent. Et je trouvais ça sympa en fait de vous mettre 2 morceaux bien bien différents, 2 sensations différentes, si je peux dire ça comme ça. Donc quelque chose de très doux. Et puis bah comme la douceur, c'est très agréable et super sympa, mais pas que, hein, pas tout le temps. Voilà, là on est bien d'accord que je parle de musique. La prochaine que je vais vous mettre, et cette fois-ci en intégralité, s'appelle Wind et c'est un remix. Et là c'est super sympa parce qu'en fait moi ça me fait passer par plein de sensations différentes. Donc, ben j'espère que vous apprécierez et je vous laisse écouter maintenant. je me tais et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye. All I want is take my car and go for a ride. I will go so fast, so far, so loud and so wild. I don't care where I'm going, I am like the wind. So strong, so fresh, so sweet and so daring. I want.